approchez. Le spectacle va bientôt commencer. Ta gueule! C'est mieux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi une fois de plus de vous accueillir dans le studio. Ah, ça part et ça devrait pas partir. On va essayer d'arrêter ça. Voilà. Allez, une fois de plus, je suis ravi de vous accueillir dans le studio de Radio Web Passion. Il est 18h, hein, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rods, et ça jusqu'à 20h. Ce soir, c'est une émission un peu particulière, c'est un instant complice. Alors, vous connaissez le principe, un invité, une playlist. Alors, installez-vous bien confortablement, mettez-vous à l'aise. Et puis, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après ce petit truc-là. Mouillé jusqu'à l'os, je ne dis pas que j'ai froid, mais l'automne est précoce, je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur, la cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillé jusqu'à l'os, du soir jusqu'au matin, le bitume brille comme du gloss sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire celui qui ne l'aime pas finira par subir les noires colères du Nord-Roi. Nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. On a beau raconter qu'on a bien roulé nos bosses, mieux vaut ne pas se la ramener. Si les bras sont fermés à tes charmantes effusions, c'est pour mieux t'enlacer à la prochaine saison. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os, c'est pas non plus le déluge, on s'amuse comme les gosses dans quelques lieux hydrofuges, à refaire le monde avec d'imparfaits inconnus. Ce soir on fait la bombe et on dansera dans les rues. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Hey, ça sonne pas vraiment 70, hein, mais vous avez bougrement raison, puisque ça, c'est un son 2022, et c'est le tout nouveau titre de Matmata, tout fraîchement sorti, eh bien, c'était il y a pas longtemps, le 9 novembre de cette année. Brest même, un titre paru en avant-première de l'album, Miskelane Bisextile. C'est prévu pour février 2023, alors si vous aimez Matmata, sachez qu'il y aura une tournée en France. Mais malheureusement, ça passera pas par chez nous. Voilà. Eh bien, tant pis pour nous, pauvre R. On a un groupe orléanais, on vient d'enregistrer un EP, là, on fait des trucs à nous, on fait pas de reprises. C'est dommage. On en fait quelques-unes, mais pas de reprise, et donc on joue nos morceaux à nous, et on est venu ici parce que ce soir on s'est décommandé, on était au Zénith, mais on a laissé Julien Doré passer. On voulait pas trop lui mettre les... Et avant de commencer, on remercie Sandra et son mari de nous accueillir dans ce café sympa. Donc on va commencer, alors surtout partez pas en courant, et vous avez le droit de mettre des notes au guitariste. Thank you. poissard. Pour quelques chiens humides, achoppement et râle, soupir de poids humide. Au moins pour moi, je pense à toi, toi t'es loin, si loin de moi. Oh mon amour, je suis en râle, et de victoire, c'est la débandade, la dérapade. Quand je squatte au café devant un bol de bière, pas sans exagérer la clope au bec. Et quand je chope au nom du bourré touriste à Pigalle, vendeur la sauvette et dealer qui l'étale, quand j'y mets à ma chine un écran catholique, feuilleton humilié, je n'ai plus qu'à l'éthique. Ah, le public en délire du Croque-Bedaine, voilà, un endroit qui malheureusement n'existe plus, voilà, et on le déplore. Un endroit où moi j'y ai vu pas mal de petites choses, pas mal de bons petits groupes, et notamment des groupes du coin. Voilà, bon, eh bien écoute, ça c'était donc Dérapade, et c'était au mois de février 2022. Hein, tout à fait. Voilà, excuse-moi, j'avais pas monté ton micro, maintenant on t'entend. Voilà. La voix que vous venez d'entendre, c'est Serge. Et Serge, c'était le monsieur qui chantait, là, qui était derrière le micro du groupe Dérapade. Je vais le laisser se présenter brièvement, nous dire bah, qui il est, ce qu'il a fait avant, etc., etc. Bon, ben, bonsoir tout le monde déjà. Et puis, ben voilà, je vais me présenter tranquillement. Moi, je m'appelle Serge. Je fais partie du groupe. Je suis chanteur et guitariste dans le groupe Dérapade, qui est assez récent. Ça fait peut-être 2 ans qu'on est ensemble à peine. On vient de sortir un petit EP là, qui est sympa, de 6 titres qu'on voulait faire absolument pour pouvoir un petit peu continuer à avancer, histoire de faire de la com un peu partout, parce qu'il nous faut ça pour faire de la com, sinon on est à la rue. Voilà, moi je faisais partie à l'époque, j'ai fait partie de plusieurs groupes. J'ai fait partie d'un groupe de géants qui s'appelait à l'époque Maltès, où on avait fait un album, on avait pas mal joué au Francofolie, Printemps de Bourges, Moulin Rouge, etc., etc. L'aventure s'est terminée au bout de 2 ans avec ce groupe-là, pour diverses raisons musicales. Voilà. Après, j'ai remonté un petit groupe sur Orléans qui s'appelle Sled, qui existe toujours d'ailleurs, mais sans moi. C'était plutôt un groupe de reprise, on voulait se faire un truc sympa avec, avec des potes. Donc on avait fait ça, ça a duré 2 ans pour ma part, et puis après je suis parti pour raisons musicales aussi. Parce que moi je voulais faire plus de compos que de reprises, donc les autres non, donc voilà. Et je suis parti de mon côté, mais le groupe Sled existe toujours, ils doivent tourner encore sur Orléans. Et puis voilà, moi je fais partie du groupe Dérapade, on a remonté ça avec... avec Paul, le guitariste aussi, qui faisait partie d'autres groupes aussi. Et ces groupes-là, pendant le Covid, ben, comme pas mal de groupes, y a pas mal de groupes qui se sont séparés. Donc nous, on s'est retrouvés, on avait fait plusieurs plateaux ensemble, donc voilà. Et on a mis nos compétences, tous les deux, à faire de la compo. Et puis voilà, ça a donné le groupe Dérapade, où Thierry, le batteur aussi, est venu nous rejoindre, ainsi que Jérôme, le bassiste aussi, qui est venu nous rejoindre, qui a remplacé Philippe, qui était au départ le bassiste, mais pour raison X, c'est parti, et puis voilà. Donc, on a Jérôme, on est 4 dans le groupe, c'est classique, hein, 4 personnes, 2 guitares, basse, voix, batterie, voilà. Donc le groupe, tu as dit, il existe depuis 2 ans. Ouais, à peu près, ouais, à peine 2 ans. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. En 2 ans, vous avez fait quoi? Combien de... T'as une idée des concerts que vous avez fait? Non, on a fait pas mal de concerts à droite et à gauche dans le Loiret. Là, on en fait encore pas mal. Puis ça va s'arrêter un petit peu parce que les gens partent en vacances aussi. On n'est pas des professionnels. Donc on prend quelques jours aussi pour se reposer. Mais là, on va passer bientôt à... Ben, jeudi, demain, on est à Bowl, au VN Beatball. Ouais. Pour ceux qui veulent nous retrouver, découvrir un peu le groupe, on fait du rock français, hein, on chante en français, on raconte des histoires. Et samedi, nous sommes au Drop Kick à Orléans avec le groupe Red Daff, un méga groupe aussi. On est en coplateau. J'espère qu'il va y avoir du monde parce qu'il y a plusieurs choses à la fois sur le Loiret. Ouais. Donc là, on est à Orléans même. J'espère que tout le monde viendra nous voir. On va passer une belle soirée avec tout ça. Et puis voilà. Ouais, c'est sûr qu'on passera une belle soirée. En esprit rock, en tout cas. C'est sûr. Pour ceux qui connaissent. Yeah. Voilà. Donc c'est au Dropkick, c'est à 20h30. On commence vers 20h30, mais bon. Ouais. Et j'ai vu, l'entrée est free, mais il y a un chapeau. Oui, alors nous, on part du principe que l'on n'est pas des stars, on fait du rock, on est là pour passer une belle soirée. C'est vrai que l'entrée est free, mais on passe quand même un petit chapeau, parce que bon, ne serait-ce pour nous racheter une corde de guitare baguette. Voilà. C'est tout à fait normal de mettre la main au portefeuille quand on va voir un groupe. Voilà, moi, je trouve ça tout à fait normal. Ben bon, on a pris ce parti-là, là, de faire cette soirée comme ça, voilà. Nous, on ne fait pas payer l'entrée, mais bon, en espérant que les gens participent un petit peu, bon, voilà. Bon, alors là, ce soir, tu représentes donc le groupe Dérapade, et je t'ai fait venir pour que tu nous présentes également une playlist que tu vas présenter dans quelques instants. Alors, je dois dire par rapport aux autres, à tes prédécesseurs, ceux qui sont passés un peu derrière le micro là, oui. C'est que ta playlist, eh bien, elle est un peu différente des autres, elle sort un peu de l'ordinaire. Alors, on va pas tout dévoiler tout de suite, hein, mais j'aimerais savoir de quelle manière, toi, tu t'y es pris pour dire j'ai choisi tel morceau, tel groupe, comment t'as fait ? Alors moi, pour choisir ma playlist, en fait, je suis remonté dans le temps et j'ai pris ce que j'écoutais dans les années 80 et je suis remonté. À savoir que j'ai choisi des morceaux qui me parlaient, qui sont, qui racontent quelque chose. Et puis voilà, donc c'est surtout pas mal de morceaux en français. Hein, j'ai pas vraiment la fibre anglo-saxonne, donc moi, mon univers à moi en tout cas, mon univers à moi, je parle pour moi, hein, pas pour tout le monde, mais mon univers c'était essentiellement du rock français, essentiellement. Après, bon, j'écoutais comme tout le monde d'autres choses, mais essentiellement moi. Du rock français. Ouais. Et pour toi, au niveau de l'écriture, c'est plus facile d'écrire en français. Pourtant, normalement, quand on écrit en français, il faut qu'on ait quelque chose à raconter. Parce que on écoute, nous, les paroles. C'est ça le truc. C'est que nous, on écoute vraiment les paroles et on fait vachement gaffe à ça. Ben, justement, moi, je préfère écrire en français. Ouais. Justement, pour que les gens pour que les gens soient attentifs et écoutent une histoire, parce qu'on a une histoire à raconter. J'aurais pu faire ça en anglais, mais ça n'aurait aucun intérêt. Déjà, je maîtrise pas l'anglais. Je suis une vraie quiche. Et puis, j'aurais pu écrire un petit peu ce que je voulais. C'était pas le but. Le but, c'était vraiment de transmettre quelque chose, de raconter une histoire, en fait. Et puis qu'on sache aussi faire du rock français. Rock anglais, ok, d'accord, mais il y a plein de groupes français qui font du rock en français, qui sont extraordinaires, enfin pour moi, ils sont extraordinaires, et qui n'ont rien à envier au groupe anglais, anglo-saxon en tout cas. Alors tu as choisi beaucoup de chansons, hein. Moi j'ai la liste sous les yeux, il y en a beaucoup, je ne sais pas si on pourra tout écouter, on va essayer d'en écouter un maximum. On n'a que 2 heures, ça passe très vite, tu vas voir, regarde, on a presque passé une demi-heure. Alors je te propose qu'on commence maintenant, donc on en parle après, on va écouter le premier titre que tu as choisi, on va en mettre 2 à la suite, et puis de toute façon je ne les présente pas, tout le monde va reconnaître, c'est un grand groupe, un grand groupe français qui a débuté à la fin des années 70, voilà, allez c'est parti. Dans Voilà, les mélomanes d'entre nous ont reconnu hein, la voix de Jean-Louis Aubert. C'était donc Téléphone avec deux titres qu'on a enchaînés, Un peu de ton amour et Au cœur de la nuit. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi ces deux chansons déjà pour commencer ta playlist? Donne-moi un petit peu de ton amour. C'est simple, hein, c'est pour un peu tout le monde quand... Un peu tout le monde quand les gens viennent nous voir, machin, réceptionner de l'amour, c'est quand même sympa aussi pouvoir... Pouvoir avoir tout ça au cœur et puis au cœur de la nuit quand tu m'as demandé la playlist en fait j'avais bourlingué pas mal en banlieue aussi avec tout un tas de surtout avec deux amis à moi et il y en a un qui vient de partir là qui a mon âge donc en fait ça m'a voilà c'est pour ça que j'ai mis ce titre là c'est à cause de ça donc mais bon hormis ça l'album Au cœur de la nuit et tous les premiers albums de Téléphone étaient excellents. Ouais, voilà. Je confirme. Hein. J'adore le premier, le tout premier. Oui. Voilà. Mais après, donc là, on a écouté un extrait. Donc en premier, Un peu de ton amour, c'est de Crash ton nain, donc l'album de 79. Et puis Au cœur de la nuit, qui est sorti en 80. En 80. C'était le titre d'ouverture Au cœur de la nuit. Téléphone, c'est un groupe important pour toi dans... Ouais, c'est un groupe important de la manière où quand j'étais plus jeune, c'est vraiment des textes qui me touchaient en fait. Faits divers, etc., etc. Nous, en banlieue, on avait plein de cas, plein de choses comme ça qui se passaient. Vraiment, ça nous parlait, quoi. Donc, moi, j'ai aimé ce groupe-là, vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Et j'aime encore, puisque j'étais allé voir là, enfin, c'est plus Téléphone, Les Insus au Zénith, ouais. il y a 3 ans, peut-être. Ouais, ouais. Et bon, je continue. Et alors, c'était comment? Parce que moi, j'avais peur d'être déçu. Comment dire, j'ai pas été déçu, mais voilà, ça valait pas. Enfin, bon, c'est comme d'habitude, ça. Ils sont en vieillissant aussi un petit peu. Ouais. C'est plus vraiment le groupe puisqu'il y a plus Corinne, c'est un autre bassiste, bon, qui est très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Mais bon, voilà. Mais les meilleurs moments, c'est quand j'étais allé voir à Pantin. J'ai même été allé voir Orléans une fois. Ouais. À la place avant la gare, ouais. Sous chapiteau. Sous le chapiteau, ouais, ça devait être en 84, ça. Pour un autre monde, ouais. Voilà, j'avais été le voir aussi là, et ça restait une méga fête, voilà. Donc dans mes souvenirs, pas déçu du Zénith, mais bon, bon, voilà. Téléphone, ça reste quand même en France, hein, qui est assez important, même encore maintenant dans les jeunes générations, quand le téléphone, ça parle. Moi, je me souviens, on était gamins. Enfin, je pense qu'on est de la même génération. Moi, j'avais une douzaine d'années quand j'ai entendu pour la première fois Hygiaphone, et ça, je l'ai pris pleine tronche. Une grosse claque. Et puis voilà, quand tu passes, t'écoutes de la variété française, parce que il y avait que ça pratiquement à l'époque, ou alors il fallait vraiment être un cador quand t'as 12 ans pour aller chercher des trucs de rock, de punk des années 76. Et puis à l'époque, il n'y avait pas toute la technique qu'on avait maintenant. Voilà. On n'avait pas les téléphones machin, donc en fait toute la musique qui passait, qu'on entendait nous un petit peu à la radio, c'était plutôt anglophone. Et c'est vrai que quand ce groupe-là est arrivé sur le marché, Téléphone, ça fait un petit peu comme une bombe, quoi. On savait pas qu'en France on pouvait faire du rock comme ça. Et là vraiment ça a ouvert des chemins et des vocations, je pense. Ouais. Ouais. Le titre d'ouverture de l'émission, là, on a passé un morceau de Dérapade, hein, extrait de ton CD, c'est Sordide. Et je trouve que dans Sordide, il y a un petit truc qui me fait penser à Flipper. Oui. Don. Oui, alors à savoir que la musique n'est pas de moi. C'est plutôt Paul qui l'avait amené, le guitariste du groupe. Et c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, Paul, ça ressemble pas mal à Flipper et tout. Et en fin de compte, on a joué Flipper. Et bon, Flipper, c'est plus dans les aigus. C'est pas vraiment le même truc. Ouais. Ça y ressemble, mais c'est pas vraiment. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, moi, ça me convient. Non, mais c'est sympa, justement, c'est sympa. Moi, ça me convient. Mais bon, voilà, c'est ça y ressemble, mais c'est pas vraiment la même chose que Flipper. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des intonations, là. Le début, ça fait penser à ça. Ouais, ouais franchement. Bon. Dans ton intro, là, dans le live du Krugonet, tu dis que tu fais pas de reprise. Jamais, il n'y aura jamais une reprise. Si, un petit téléphone, justement, en live pour faire plaisir au public. Si, moi je dis ça à chaque fois, c'est parce qu'en fait, on avait, avec Paul au départ, on avait tellement fait de reprises avant, Vexled et puis les Full Tank aussi pour Paul. Donc on avait dit bon, on va faire nos morceaux et tout ça, mais par contre on fera pas de reprises. On veut plus en faire. C'est, on n'est pas un groupe. On n'est pas un groupe de reprises. On est un groupe de, qui fait ses propres morceaux. Et puis en fin de compte, dans les, quand on fait les lives, on en glisse toujours. On fait le fils de personne d'Hallyday. Enfin, ouais. Ça dépend. Ça dépend de l'ambiance. Mais voilà, ça dépend comment on est lancé. Mais sinon, bon, de toute façon, ça fait pas de mal aussi de refaire une petite reprise. Et puis les gens sont contents aussi. Voilà, de toute façon. Mais ça permet aux gens de se situer. Tu sais, t'attires toujours un public avec une reprise. Puis après, tu balances tes compos. Ouais. Alors nous, on avait fait... Alors c'est vrai qu'il y a ce choix-là aussi. Mm. Et nous, on avait choisi de pas le faire. Mais bon, après... C'est un risque. C'est un risque à prendre, bon, ouais. On le prend. Nous, on veut faire découvrir notre univers, mais on glisse quand même à la fin une compo ou deux. Ça dépend. Ça dépend de la forme. Ça dépend. Je te propose qu'on fasse une petite pause, qu'on écoute ton deuxième choix ce soir. Un deuxième groupe, encore énorme groupe français, c'est pareil. On va peut-être même pas le présenter non plus. Je pense pas. Je pense que j'en Hein. Je me souviens quand t'étais venu, bah, parce que bon, on s'est connus nous au Mavrika Live pour, avec Maltès, et après t'étais venu en tant qu'invité à l'émission Mavrika et tu nous avais interprété en direct live une chanson qui s'appelait Toujours pas une thune. Oui. Voilà. C'est donc, ça. Voilà, c'est ça. Ça n'allait pas dans ta playlist ce soir. Non. Ce soir, on a une chanson qui s'appelle, par exemple, bah, Préfabriqué. Préfabriqué. Vous allez entrer dans une zone de turbulence. Veuillez attacher votre ceinture. Ne craignez rien, c'est juste du rock'n'roll. Je sais maintenant, avec certitude, ce qu'est la solitude. Je marchais, j'avançais, je traînais ma dégaine, j'avançais sans savoir, sans idée de pouvoir. Tu marchais, t'avançais, t'avançais en sachant tout était le pouvoir. Et si demain je devenais un héros mais sans phare, et si demain je devenais superstar. Si demain tu devenais un héros mais sans phare, tu deviendrais superstar. Je passerai en revue tous ces moments cachés, j'y penserai sans honte, sans vouloir essuyer. Tu passeras en revue tous ces moments cachés, sans vouloir essuyer. Car vous savez avec certitude ce qu'est la solitude. Trop fier de cette image jolie qui vous poursuit et qui me laisse un peu perdu. Qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? Et si demain je devenais un symbole bisexuel? Et si demain je devenais un tel? Si demain tu devenais un symbole bisexuel, tu deviendrais un tel. Sans rendre compte, sans trouver l'excuse, sans gamberger, sans traveling, sans me parler. Pas de compte, pas d'excuse, ni gamberge, ni traveling, sans te parler. Je grandirais loin des nains qui resteraient. Et si demain je devenais quelqu'un que j'étais? Et si demain je devenais quelqu'un que j'étais? Quelqu'un que j'étais? Car vous savez avec certitude ce qu'est la solitude. Trop fier de cette image jolie qui vous poursuit et qui me laisse un peu perdu. Qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? Je rirais de leur vie comme ils riaient de la mienne, quand j'étais leur pantin, Crésus du soir au matin, quand je nageais dans la dope par ennui, par envie, quand j'avais les plus belles, pas de place pour les laines. Je tournais dans le vide, dans les bras, et était là souriant, courbé devant moi, car je sais avec certitude ce qu'est la solitude. Reviens de cette image jolie qui me poursuit et qui me laisse un peu perdu. Que suis-je devenu? Comme toi j'avais des idoles qui faisaient figure de Saint Paul et qui savaient avec certitude ce qu'est la solitude. Ce qu'est la solitude. Comme toi j'avais des idoles qui faisaient figure de symbole et qui savait avec certitude ce qu'est la solitude. Voilà, ça c'était Trost. Hein. Tout le monde aura reconnu évidemment la douce voix de Bernie Bonvoisin. Alors Trost, ce choix? Pareil, c'est parce que ça a versé aussi mon enfance et qu'ils ont des textes assez engagés, mais puis qui nous parlent. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ces morceaux-là et ce groupe-là, tout simplement. Et puis voilà. Ouais, c'est important quand t'es artiste ou quand t'es chanteur ou auteur d'avoir un truc à dire, d'avoir un message à faire passer, d'être un porte-parole en fait. Moi je pense que quand tu peux t'exprimer et que tu fais de la musique, c'est sympa de passer un message quoi. Moi j'avoue que quand j'écoute un morceau, j'aime bien que ça me parle. Si j'écoute un morceau où les paroles sont insignifiant, tout je comprends pas, ça me parle pas. Même si la musique est bien. Par contre, après, si quand la musique est bonne et qu'il y a un texte derrière et puis que ce texte est plus ou moins engagé et que la vie fait qu'on s'y retrouve un petit peu, et bien, je trouve que c'est pas mal, moi. Ouais. On parlait là en off là du guitariste hein, de Nono. Oui. Est-ce que c'est un artiste lui qui t'a donné envie de faire de la musique ou c'en est un autre? Alors Norbert Krief m'a pas pas spécialement... parce qu'à la base, je suis pas vraiment guitariste. Moi, j'ai appris la guitare sur le tard. Donc, je m'accompagne. Je suis pas... Pour les guitaristes purs, je pense que Norbert Krier, c'est une référence. Mais par contre, non, celui qui m'a vraiment plus mis la puce à l'oreille et la main à la guitare, c'est plus Jean Weber, Aubert, du groupe Téléphone. D'accord. Ouais. Parce que ça se rapprochait de ce que je faisais, ce que j'essayais de faire moi à l'époque. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en général, quand on parle guitare et téléphone, les gens disent Bertignac en premier et ils oublient que Aubert, il envoie quand même en guitare. Ouais, je pense que les gens oublient que Aubert, c'est un sacré guitariste, quoi. Carrément. Ouais. Bertignac, c'est le guitariste soliste, donc automatiquement, quand il envoie ses riffs, on se rend compte qu'il joue de la guitare. Mais par contre, quand Aubert fait des solos et des riffs, et quand il joue de la guitare, qu'il arrête de chanter, on s'aperçoit que c'est un guitariste, et un bon guitariste. Hein. Okay. C'est pas un petit lièvre, non. Voilà, c'est clair. Alors bon, comme tu sais, dans Otroz, moi je laisse une part quand même assez large à la décennie 70, parce que ça me touche vraiment, cette décennie-là. Alors pour toi, est-ce que c'est une décennie musicale importante? Ou c'est plutôt, après t'es plutôt sur les 80, 90 hein. Les années 70 ? Ouais, musicalement. Musicalement, les années 70, j'ai pas... comment dire ? J'ai pas écouté plus que ça de grande musique, mis à part la musique de mes parents qui passait sur le, sur le manche-disque là. Des trucs assez vieillots, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, des trucs assez vieillots ou de la variété. On voyait le peu de variété qu'on voyait à la télé avec les émissions Gibertica, je te raconte avec pas. Du Joe Dassin, du Johnny. Voilà, c'était ça en fait. Ouais. Et après, d'un seul coup, les années 80 ont fait arriver des gens comme Téléphone, Trust ou autres. Donc en fait, oui. Et puis c'était mon époque. Avant, j'étais un peu trop jeune. J'écoutais pas spécialement. On faisait de la musique, mais pas plus que ça. Et puis après, une fois que ces groupes-là sont arrivés, ça m'a... J'écoutais plus ça, oui. Alors les années 70 avant, c'était plus mes frangines peut-être. Ouais, mais des fois, tu sais, ça t'ouvre un peu les... Oui, non, mais c'est... J'ai quand même écouté des choses comme Pink Floyd, des choses comme ça. Ouais. Ces choses-là, hein, Genesis, enfin, voilà. Ange, pour ceux qui connaissent. Ah oui, voilà. Voilà, j'ai quand même écouté tout ça. Ouais. Mais voilà, après, ça a vraiment démarré plus sur les années... Pour moi. La fin des années 70 avec Téléphone. Voilà, après, pour moi, après... C'était quoi l'enchaînement logique? Donc on a dit Téléphone, Trust, après t'es passé sur quoi? Alors moi j'écoutais du Téléphone, du Trust, après il y a un groupe qui s'appelle Noir Désir qui est arrivé sur le marché. Ouais. Moi j'étais fan aussi, parce que c'est un groupe français et puis que ça jouait. Et après j'ai écouté du FL, après j'ai écouté un groupe comme Cachemire qui gagne à être de plus en plus connu. C'est vraiment du rock français qui envoie. Donc voilà le truc crescendo que j'écoutais comme ça. Voilà, ça s'est passé comme ça en fait. Il y a eu une espèce de revival du rock dans les années 90, à la fin des années 90, avec des groupes comme Dagobah, enfin il y avait plein de groupes français, Seth Plémo, tout ça, dans la scène parisienne surtout. Oui. Et il y a eu ce renouveau là, ça t'a touché? Au contraire, hein, moi j'étais fasciné par ça. Je dis c'est rock, c'est français, c'est super. Non, pourquoi pas essayer de faire un petit peu comme eux, un autre niveau. Ah, allez, on s'écoute un petit truc. Tu les as cités dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est FL. Ah oui, excellent groupe, très très bon groupe. Ouais, ils t'applaudissent d'ailleurs. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front.

Écoutez Hot Rods, voilà, il est 18h53 et 21 secondes. C'est l'instant complice avec Serge, hein, le représentant officiel ce soir de Dérapade. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça va, Serge ? Ça va, j'écoutais comme vous les morceaux qui passent. Voilà. FL, un groupe important pour toi ? Ouais. Ouais. Allez. Ouais, ouais, j'aimerais bien tous faire ça, enfin pour ma part, moi. Ouais, j'adore, donc ouais. Je suis fan, donc c'est un super groupe. Voilà. Ouais. Est-ce que tu auras envie de jouer avec eux ? Oui. De faire un truc ? Et tu as déjà essayé de les contacter pour voir si tu pourrais jouer avec eux ? Non, je crois. Je ne sais même pas si regarderaient ce que j'ai écrit. Pourquoi ? Bah, alors là, détrompe-toi, si ça se trouve, ils répondraient. Hein. Ouais, je sais pas, peut-être qu'un jour, quand je serai meilleur, ouais. quand on sera meilleur, parce que je suis pas tout seul. Mais ouais, ça, j'adore, qui n'aimerait pas, moi, j'aimerais bien. C'est une influence principale dans le groupe, dans Dérapade, ce FL, ça parle à tout le monde ou... Pas du tout. Non, juste alors, toi. Pas du tout, je suis le seul à aimer, peut-être un qui me supporterait, mais ouais. Je suis le seul. Non, les autres sont plutôt blues, plutôt... Il y en a un autre qui est plutôt métal, mais anglo-saxon. Alors, les groupes français, c'est vraiment moi, ouais. Mais FL, je suis vraiment tout seul. Hein, et, quand on écoute, bon, on a des avis. Et t'essayes pas un peu de les forcer, de les obliger J'ai essayé au début, j'ai abandonné. j'ai abandonné. Non, mais voilà, on a chacun nos goûts. Et puis, le fait que moi, j'aime bien les trucs français, pas eux, plutôt anglo, machin, on mélange tout. Et puis, ça fait le truc Dérapade, mais... Je suis vraiment tout seul, question à la FL, je suis un peu tout seul. Il n'y a même pas un truc, un groupe ou un album qui vous fait d'air, qui dit que vous écoutez tous les quatre ensemble en disant « putain, ça c'est bien ». Si, on a des morceaux qu'on partage. Moi j'aime bien aussi écouter sur des morceaux anglo-saxons qu'on écoute ensemble. Il y a des choses que j'aime bien, Last Train, tout ça. Ces choses-là, on écoute ensemble. Ça reste encore un groupe français. Hein. Ça reste français, mais ils chantent en anglais. Mais voilà, moi j'ai été les voir l'Astrolabe aussi. Je sais pas si. Bah, on était ensemble. On était ensemble, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Voilà, donc quand on écoute de la musique, on boit une bière après une répète ou les choses comme ça, qu'on met au point des morceaux, on aime bien écouter. Bon, on se retrouve sur ces choses-là, mais pas spécialement surtout. Mais c'est bien. Il y a de la différence, c'est bien. Ouais. Tiens, écoute ça. Bye. C'est quoi ça? Ça, il me semble que c'était Last Time. Mais oui, Only Bet on Myself, extrait de leur deuxième album, voilà. Bah, on en discutait là pendant off. Mmh. Vraiment, on a pris une, vraiment, toi et moi, on a pris une claque avec ce groupe. Hein. Ah ouais, ouais, moi j'étais allé voir l'Astrolabe. Ils sont énormes, quoi. Ils sont assez quatre jeunes, mais. Ouais, c'est des fous. À mon avis, ouais, ceux qui connaissent pas l'Astrolabe, eh bien, allez-y. Hein. Il y a un Bandcamp. Vous pouvez écouter, il y a deux EP et deux albums sur Bandcamp. Écoutez-les, achetez-les après. Il faut écouter. Mais il faut écouter, vous allez prendre une grosse bouffe. Ah ouais, voilà, ouais. À mon avis. Il y a autre chose aussi que je voulais te faire écouter. Je ne sais pas si tu connais, je crois que c'est des Parisiens aussi, ça s'appelle Deportivo. Si, je connais. Voilà. Donc voilà, je vais amener un petit peu de. Tu m'avais préparé un truc de rock français, j'ai dit tiens, moi aussi je vais apporter, j'ai envie. Ouais, voilà. En fait, j'ai pas cité tout parce que bon, c'est vrai qu'il y en a tellement. Il y a ça, il y a Luc aussi que j'aime bien, il y a tous ces trucs-là. Ah, j'en ai aussi. Ouais, non, mais voilà, donc je les ai pas tous cités, mais j'écoute quand même pas mal de trucs. Hein. Alors, il est 19h. Alors, bienvenue, parce qu'il y en a qui nous rejoignent à cette heure-là, il y en a qui sortent du boulot. Ouais, bienvenue. Voilà, donc qu'ils soient dans leur voiture, dans le salon, à l'apéro, ou tout simplement sous la douche. Ouais, voilà. Ouais, vous écoutez c'est... l'Instant Complice avec Serge. Serge, c'est Dérapade. Dérapade, c'est un groupe de 4 personnes, voilà, qui font du rock crunchy ligérien. Alors, le rock ligérien, je veux bien comprendre, crunchy. Crunchy, ça vient pas de moi, c'est mon ami Paul. J'ai dit pourquoi tu veux mettre crunchy? Parce que oh, crunchy, c'est bien. Bon, bah voilà. Voilà. Là, le truc est là, c'est que bon, moi j'étais parti sur groupe rock et puis après ça a dégénéré ligérien parce que ligérien, c'est Loiret, machin. Ouais. Bon, c'était pas nécessaire, mais voilà, on essaye de se démarquer par rapport aussi un petit peu aux autres parce que bon, pour se faire connaître aussi. Tiens, groupe rock ligérien, c'est quoi? Crunchy, bon, ça vient pas de moi, hein, c'est plutôt le crunchy guitare de l'ami Paul. Hein. Alors, comme dirait Albino, bah, vous êtes le meilleur groupe de rock ligérien crunchy du monde. On est, oui, et puis on est très bien, on est seul, on est bien. on est bien, on va défendre notre place. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'écouterais bien un truc de votre CD, là, j'écouterais bien Chien Fou. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler du crunchy, là? Celle-là, elle est assez cool, mais moi j'aime bien. Perso, c'est une de mes préférées. Enfin, parce qu'on a une vingtaine de morceaux, mais là il y en a que 6. Ouais. Mais bon, c'est une que j'aime particulièrement bien. Ouais, ouais. Alors, eh bien, écoute, Chien Fou. Eh ben, Chien Fou, allons-y. Alors, hop, on met ça. Ça, c'est pas Chien Fou. Chacun ce qui veut entendre, je fais des promesses qu'il faudra me rendre. J'expose mes volontés sans artifice, personne ne voit ni l'arnaque ni le vice. Mais je sais où je vais, et à chaque seconde, on se prosterne à mes pieds. Tous mes dus, j'ai raison, pas de protestation, je pourrais bien t'effacer. Ces envies de devenir grand, je tire les ficelles du moindre filament. Je suis un fin stratège du pouvoir du plus fort, très bon physionomiste à la vie, à la mort. Mais je sais où je vais, et à chaque seconde, pas d'horreur ni de remords à mes yeux. Tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, je peux t'effacer si je veux. Si je veux. pour initier. J'ai tout anticipé de A à Z, même les imprévus me viendront en aide. Le moindre détail toujours calculé, le jeu de taille, je détiens les clés. Mais un jour, je le sais, il faudra que ma tête tombe. Ça finit toujours comme ça dans la folie et le sang des maîtres du monde. Ouais, faut que je tombe comme les palombes. Ouais, faut que je Voilà, je me suis carrément emmêlé les pinceaux dans le titre, donc c'était pas Chien Fou, mais le maître du monde. Décidément, le CD part tout seul à chaque fois, là. Voilà. Ah. Bon, donc c'était Maître du monde, donc une chanson coécrite, c'est ça ? C'est ça. Je t'entends pas ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc coécrite par Paul et toi-même. Dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est toi les paroles et lui la musique ou... Mais le morceau, j'ai fait aussi la musique de base, et puis après tous les deux, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, on se voit tous les deux, et puis on travaille ensemble. Moi j'apporte, et puis lui il apporte aussi, voilà. Et puis après, ça donne ce que ça donne, mais voilà. Les idées ne viennent pas que de moi. Mais celle-ci, principalement, c'était moi. Après les arrangements, la guitare, tout ça, il y a eu Paul derrière et tout. Ça a été un petit travail aussi, là. Ouais. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce petit objet, là, ce petit CD, ce petit EP, pour que tu nous en parles. Comment il est né ce truc, ben, comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est parce que on faisait nos compos et puis on a décidé de, comme pour de la, alors quand il faut se vendre, quand on fait de la com, on vous demande à chaque fois si vous avez fait quelque chose. Si vous avez un CD, si vous avez un album, si vous avez quoi que ce soit. Donc en fait, c'est parti de là en disant bon, on va quand même enregistrer 6 titres. Et puis comme ça, on pourra faire quand même notre com et puis au moins distribuer quand on fait des concerts, des choses comme ça, même pour vendre un petit peu aussi, c'est sympa. Et puis voilà. Donc, mais bon, dans le but final, ça serait d'enregistrer carrément un album de 12 titres. Mais moyennant l'argenterie qu'on a quand on vient de commencer, c'est assez cher. Donc on attend un petit peu, mais suite à ça, ouais, il y aura certainement un album qui va être enregistré. Donc celui-ci, on l'a fait au Scénic Studio 45 là, chez les Chili Dogs. Hein, celui-ci, ça a été enregistré là-haut. Donc ouais. Voilà, parce qu'on connaissait le studio, on connaissait les Chili, donc ça a été un peu plus facile. Et puis voilà. Donc il y a eu 6 titres qui sont sortis. Et puis bon, c'est les premiers. Hein. On voudrait faire un album par la suite. Quand même. D'accord. Ouais. Comment tu vas faire ? Tu vas faire une participation, un projet participatif, un Ulule, une chose dans le genre ? Non, je pense pas. Je pense que si on le fait, on le fait nous. Et puis voilà. Et puis crédit des concerts. Voilà. Ouais. Et puis après, on fera du live. Et puis si tout se passe bien, si tout va, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Non, on fera pas de participation. Je trouve que c'est notre truc à nous, donc c'est à nous de gérer le truc et pas de demander à chaque fois aux gens de participer à quoi que ce soit. Non, on le fera de nous-mêmes. Les chansons pour ton album, elles sont prêtes, là, déjà ? Oui. Ce sera des chansons différentes de celles-là, du coup ? Oui. Oui. Oui. Il y en a d'autres aussi, on en a plein. Enfin, moi, j'ai plein de projets, là, avec Paul. J'ai plein de choses dans notre cabas. Mais par contre, il faut qu'on travaille, donc... Si on fait que du live, on n'a pas le temps de travailler. Il faut faire un mix des deux, en fait. C'est pour ça qu'on avait décidé de pas faire trop de live pour l'instant, plutôt de mettre au point tous nos morceaux. Parce que c'est pareil, on est 4 musiciens, donc le temps de régler tout ça, de mettre au point tout ça, et ça nous demande un petit peu de temps. Et puis nous, on n'est pas professionnels, on a quand même un travail, une vie derrière, donc c'est un petit peu, ouais, c'est du temps qu'il nous faut, surtout un petit peu. Ouais. C'est clair. C'est clair. Tu as déjà une idée de l'endroit où tu veux le faire? Tu veux le refaire ici, à ce studio-là ou... On ne sait pas encore. On ne sait pas. Il y a plein de, on a plein de studios, on a eu plein de contacts. Donc, bon, on verra bien. On va voir ce que... Et puis c'est pareil, ça dépendra... Parce que les studios, c'est pareil, il faut prendre rendez-vous, ça se fait pas comme ça. Et ils ont du monde aussi. Donc, quand on sera prêt, ben, on va prendre contact avec les studios, puis on verra bien où est-ce qu'on va le faire. Mais bon, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a, on fera. Et on me dit dans l'oreillette, là, que t'as eu des précisions sur le rock crunchy. Oui, ah. Oui, j'ai eu des messages. Donc le rock crunchy, ça veut dire crunch, ça veut dire de la disto, mais pas trop. Donc voilà. Crunch. Crunch. Voilà. C'est comme la tablette. C'est quand ça. Ça croustille dedans, un peu. Ça croustille un peu, mais pas trop. Bon, on se met un petit. Qu'est-ce qu'on écoute, tiens d'ailleurs? Bah, je sais pas. Un petit téléphone, non, peut-être. Un petit téléphone. Ouais, ouais, ouais. Argent trop cher, ça te va? Ouais, moi ça me va. Pas longtemps. Il court, court dans le cou. Le monde se divise en trois catégories. Ceux qui écoutent de la musique. Ceux qui écoutent du rock. Et puis il y a ceux qui écoutent Hot Rod. Téléphone, argent trop cher, ex-Robin des Bois. Un truc à dire là-dessus ? Très bien, ben, je crois qu'argent trop cher, ça parle à tout le monde. Et puis ex-Robin des Bois, on en connaît plein comme ça, des ex-Robin des Bois, non ? Ouais, on en connaît plein. Je suis en train de regarder ta pochette, là, ton CD, là. Oui. Dérapade, et puis en escalier après derrière. Dérapade, ça n'existe pas comme mot, en fait. Non, ça n'existe pas, en fait. Ouais. C'est quand on a... Quand j'ai créé les paroles, en fait, et la musique, sur le refrain, il me manquait un mot. Et puis, déraper, des rappeurs, parce que ça, en rade, déraper, des rappeurs, dérapade. Ouais, dérapade, c'est bien. Et ça fait un petit peu voyage, ça fait un peu déraper, ça fait, voilà. Donc, ouais. Non, c'est un mot totalement, qui est sorti comme ça. Hein, ouais. Au départ, je pensais que c'était un clin d'œil au film, la dérapade. C'est un film, la dérapade. Oui, bah non. Je me suis dit, tiens, il est cinéphile, et puis pourquoi pas. Non, j'ai pas de clin d'œil à la dérapade, non. Tiens, on va rester un petit peu sur dérapade. J'aimerais savoir quels sont les trois adjectifs qui définissent le mieux l'univers du groupe. Les trois exercices. Là, déjà, il y a passionné. Ouais. Passionné. Envie. C'est pas un adjectif, mais ça, je m'en fiche. T'as raison, c'est ton émission, je te connaissais. C'est après tout ouais. L'envie et puis voilà, de faire quelque chose hors travail. D'accord. C'est une bande de potes, en fait, un pad ou... Ouais, maintenant, on est devenus potes. Moi, je connaissais que Paul, en fait. Ouais. Les deux autres membres, je les connaissais pas, mais on a sympathisé. Maintenant, ouais, on peut dire qu'on est des potes, ouais. D'accord, ouais. Ok. Quels seraient les cinq moments clés depuis la formation du groupe, si tu devais résumer ça en cinq moments? Les cinq moments clés? Ouais. La rencontre. Les premiers morceaux, les premiers lives, première bière, première cuite, première soirée ensemble. Bon, on va arrêter là parce que sinon ça va déraper. Ouais, ça va déraper. C'est ce qu'on va appeler la dérapade. La dérapade. Voilà. Je te propose tout à l'heure, je te parlais du groupe Deportivo, donc du groupe. Je te propose un petit morceau de Deportivo et puis après on retourne à ta liste. Oui. Ça te va? Très bien. On sera pas tous perdants, même le dernier des derniers, on paiera tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai attend qu'on se soit consumé. Je sais, j'ai plus l'élan, je sais où on a pied. J'ai oublié comment on sentait quand vous disiez encore du vent. Mais Dieu aime mes parents, pour un siège allumé on fume les sentiments. Et ma tête doit trembler si j'ai une mère, elle m'attend. J'irai s'entraîner si je dis vrai. Je mens, je sais où on a pied. J'ai oublié comment on sentait quand vous disiez encore du vent. J'avais rêvé d'être parmi vous et de m'accorder le droit de dire allez vous faire foutre. J'avais rêvé d'être avec vous, mais à voir de près, autant s'adresser à la foudre. Perdant, même le dernier des derniers, on paiera tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai attend qu'on se soit consumé. Je sais, j'ai plus l'élan, je sais où on a pied. J'ai oublié comment on sentait quand vous disiez encore du vent. J'avais rêvé d'être parmi vous et de m'accorder le droit de dire allez vous faire foutre. J'avais rêvé d'être avec vous, mais à voir de près, autant s'adresser à la foudre, autant s'adresser à la foudre, autant s'adresser à la foudre, autant s'adresser à la foudre, autant s'adresser à la foudre. Simone Veil n'était pas née, mon père a choisi ma carrière, m'a conduit dans un monastère avant qu'il me trouve un mari que j'épouserai dès ma sortie. J'ai vécu dans l'occupation, j'ai résisté en communion, j'ai gardé le silence dans la torture en rébellion. J'ai toujours cherché à combattre tous ces preneurs de haine sous les canons. De taf pour un blue jean, un salaire pour le paternel de semaines par an à La Rochelle. J'étais heureux, j'étais vivant dans l'innocence et conquérant. Je voulais coucher avec ma grosse, traverser les villes à son trans. Oui, petite aussi des noirs éduqués au son des médias. Sais-tu pourquoi tu pleures ce soir? Le burn-out, ça veut dire quoi? Qu'on veut voir ta gueule maquillée à manifester ta colère. Les yeux rivés sur ton plat, t'es plutôt qu'embrasser ta grand-mère. Eh ben voilà, ça se termine brut. Ben ça a commencé brut, ça se termine brut. Ben tiens, justement, on en parlait, on va écouter le son que ça donne. Après tout. Ouais, ça fait du bien. Voilà, c'est Cachemire. Hein. Cachemire, ça. Ouais, ça s'écoute. Ça donne la pêche. Voilà. Faut écouter ça le matin, juste après le déjeuner. Voilà, donc là, on vient d'écouter Qui est la punk, et là, maintenant, c'est Moi être roi. Donc, c'est enregistré live, c'était au Ferrailleur. Voilà, à Nantes. Non, mais chez eux. Est-ce que ça va la ferraille? Tout le monde Zadon! foutre les malheurs. Je m'en foutre les malheurs. C'était Cachemire, donc en live, moi vouloir être roi. Moi être roi, pardon. Voilà, extrait live, c'était au ferrailleur. Bah dis donc, c'est pas mal ça. Ah ouais, ouais, je sais pas, tu m'as fait découvrir un truc. Ah non, mais ça donne la pêche. Puis alors dis donc, ça envoie bien. Ah oui, ça oui. Bien. C'est... Ouais. Bon, on va essayer d'en retrouver l'autre pour tout à l'heure. Hein. Tu m'as parlé d'une reprise de Bachung, on va essayer de se caler ça. Ouais. On s'écoutera ça après. J'aimerais savoir dans le groupe, dans des rapates, quelle est la chanson dont vous êtes le plus fier? Celle que tu te dis, putain, je suis content d'avoir écrit cette chanson. Celle dont je suis le plus fier, ouais. le plus content. Fier, te dire. Ouais, c'est non, moi qui ai écrit ça. Quoi. La plus... Ouais. ouais, ouais. Il y en a une que j'aime bien, c'est Fuzzer. Elle n'est pas sur l'album. Donc il faut aller te voir demain à Bowl. Il faut venir nous voir en live, soit à Bowl, soit à Orléans. Pour l'écouter, vraiment, elle est vraiment sympa parce qu'on parle de, tout un tas de, je veux pas te dévoiler, tout un tas de gens qui font des promesses et des souhaits, qu'en fin de compte, il y a beaucoup de vent là-dedans, en fait. Donc, mais bon, faut venir écouter. Chanson politique. Ouais, un peu. Et au-delà du style, comment tu définis, au-delà du style, un rock crunchy, comment tu pourrais définir cette EP? Alors moi je trouve qu'on... Alors on est forcé, hein, en France, on met toujours des étiquettes sur rock, valse, machin, variété, machin, il faut un petit peu. Ouais. Donc bah, nous, je trouve que c'est... Ouais, c'est... Moi je trouve que c'est un album rock. Voilà, rock. Ni métal, ni machin, rock. On a fait des choses qui nous plaisaient, et puis ça ressortit avec un son rock. On a un peu de disto, un peu de tout ça, donc ouais, c'est plutôt rock. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi, quand t'écris une chanson? Alors, c'est aléatoire. Hein. Ouais. C'est pas régulier. Moi, des fois, j'écoute des choses, des infos, des machins, ça va me parler. Des fois, je me balade, ça va me parler. Ouais. Des fois, ça dépend. Alors, ça dépend de l'humeur, ça dépend d'un peu de tout. Hein, ça le... Alors, en ce moment, là, dans le monde, ça bouge quand même pas mal. Il y a quand même un peu de... Hein. Et oui. Ça te donne envie d'écrire? Ça te donne envie de... Alors là, j'ai fait des... j'ai des morceaux qui sont dans la poche, là, mais j'ai pas réellement écrit, parce qu'on a pas mal écrit, là, Sordide et tout ça, c'était un petit peu sur toutes les informations qu'on reçoit et tout le tralala. Maître du Monde aussi, c'est tout ce qu'on voit à la télé, tous ces guignols, là, qui passent. Donc là, les morceaux que j'ai, moi, c'est pas vraiment... C'est plus des morceaux qui incitent peut-être un peu plus au voyage, choses comme ça. D'accord. Trouver sa place dans la société, des choses comme ça. Ouais, ouais, ok. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, toi, tu as l'impression qu'en tant qu'artiste, tu as un rôle à jouer. Alors, moi, je ne me prends pas vraiment pour un artiste. Hein. J'essaye de faire quelque chose de mon côté qui soit sympa, qu'on ait... Autant faire des morceaux, faire des choses qui nous plaisent, autant que ça parle aux gens, en fait. Autant dire quelque chose. Maintenant, si c'est pour faire de la musique au coin du feu avec un chamallow, on sait le faire. Mais si on fait des lives, si on essaye de faire des choses comme ça de notre côté, c'est vraiment pour parler aux gens, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment, moi, quand je fais un morceau, c'est vraiment pour m'adresser aux gens. D'accord. Comme quand on a des morceaux qui parlent de séparation, de choses comme ça, c'est... J'espère que les gens, ça parle à quelques personnes. Même s'il y a deux personnes dans la salle, j'espère que ça leur parlera. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure, du moment que tu chantes en français, les gens écoutent. Ouais, c'est mais c'est, nous, c'est ce qu'on cherche, en fait. Hein. Ouais. Et puis, on s'aperçoit que les gens sont pas réellement curieux, mais par contre, quand les gens viennent au live et quand ils écoutent, généralement, ils en ressortent contents et ils viennent nous voir en disant, ouais, c'est sympa, machin, bon, on a jamais eu de gros clash ni de mauvais retour. T'as déjà pris des risques de dire je vais chanter sur un thème et puis ça tombe complètement à plat devant, t'as pas le public qui est réceptif. Oui, t'es déjà arrivé on a certains morceaux où les gens ça nous fait plaisir à nous mais ouais. Ou à moi mais où des gens mais là sur les 18 morceaux ou 20 morceaux, je me rappelle plus quoi qu'on a. Les gens, là, on est passé il y a pas longtemps, on a fait un live chez les Je m'en balais, je pense, c'est un club moto. Ouais. Et bah, les gens ont apprécié, ils connaissaient pas du tout, parce que nous, on est arrivé là avec nos gros sabots, mais à la fin du concert, on a bu une bière, et puis les gens étaient extrêmement surpris, extrêmement contents de ce qu'on avait fait, donc pour nous, c'est toujours du bon. Voilà. Mais bon, des fois, on a des coups près qui tombent quand on fait des lives, je m'en suis aperçu. En général, le public est assez réceptif. Ouais, en général, là, pour l'instant, on n'a pas eu de gros chagrin. Mais bon, ça peut arriver, de toute façon. Ça danse un peu. Ouais, alors nous, ça on n'a pas... On fait du rock, mais on a des rocks qui... On a des morceaux comme Échangiste, des choses comme ça qui vont faire danser. Voilà, des paroles à tête. Voilà, oui, texte. Ça, c'est le titre, Échangiste. Ou alors Pas d'accord aussi, qui sont assez remuants. Par contre, on n'est pas dans le truc où faire des morceaux pour que tout le monde danse. On n'est pas dans cette optique-là non plus. On fait plutôt... Je sais pas, moi je fais plutôt des choses un petit peu. On a écouté des trucs comme Eiffel, voilà. On danse pas nécessairement sur tous les morceaux, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Mm-hmm. Allez, on s'en remet un petit. T'as choisi un Trust. Ah oui. Extrait du troisième album. Oui. Bah, le titre d'ailleurs, c'est. Fatalité, non c'est... Non, c'est Marche ou Crève. Ah, c'est Marche ou Crève, excuse-moi, ouais. Elle est à côté. Ouais. C'est Marche ou Crève, oulala. Voilà, ouais. Le titre de l'album. Marche ou Crève, Bernie, et puis sa bande de potes. D'existence, c'est pas mal. C'est assez difficile, trop de moments intenses. Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent. Qui te mangent dans la main quand tu touches les avances. Ceux qui te dévisagent, te font à pas ton badge. Ceux qui t'encouragent, tu peux te planter. Tu connaîtras l'état de santé, tu crois que ceux qui s'y dévancent, ceux qui ont raté. Tu vas être appelé à donner ton avis, même si ça te fait chier, même si ils sont abusés. France actualité, seul que des critiques comme ça sans y penser. Marche ou crève, la vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève, c'est un combat, il n'y a pas de trêve. Ce qu'il en adviendra demain, je ne sais pas. Je laisse les gras du pays de se charger de tout ça. J'ai pas courbé les chines ni retourné ma veste. On dérange pas mal, je vous laisse les restes. J'ai débuté tout seul, il y a des gars derrière. J'ai rouvrir ma gueule devant, c'était l'enfer. On en a dit des choses, j'attends les gens qui comptent. Et qui proposent de la musicalité. Et on regarde ça en cherchant le pourquoi. Y'a ceux qui nous sourient, derrière nous assassinent. Je suis chanteur de trust, mais crois-moi j'ai conscience. La ténacité qui fait tout arriver. Marche ou crève, la vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève, c'est un combat, il n'y a pas de trêve. Marche ou crève, la vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève, c'est un combat, il n'y a pas de trêve. De trêve. Ça sur sa analyse, son cou comme des valises. On m'appelle Bernie et c'est très bien ainsi. Ça ne sera pas facile de nous clouer le bec. Mais que tu veuilles ou non, il faudra faire avec. Il faudra faire avec. peu de violon, enfin du synthé surtout dans Hot Rods avec à l'instant c'était Eiffel Inverse-moi, un choix de Serge du groupe Dérapade. Il est là ce soir avec nous, encore un petit quart d'heure. Voilà, on attaque le dernier quart d'heure. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite, très très vite. Là. Donc là, tu voulais écouter un titre un peu original de téléphone. Ouais, j'ai choisi ce titre-là, Les Îles et les Onds, pour ceux qui ont mon âge qui connaîtront, parce que c'est un titre qui sort un petit peu de leur registre, je trouve. Ils avaient fait un album un petit peu rock, machin, et puis ce titre-là est un peu spécial, je vais laisser découvrir, mais moi j'aime bien. Bon, bah voilà, c'est comme c'est mon émission, j'en profite, c'est pas tous les jours. Donc voilà, j'aime bien ce morceau, j'espère que tout le monde aimera aussi. Ouais, bah écoute, on s'écoute ça et puis on voit ça. Allez. Ouais, faut pas l'énerver, hein. Parce que bon, il crie fort, hein. Virago, je. Voilà, c'est un truc que je veux bien. C'est dans les années 90. J'avais envie de me faire plaisir, moi aussi, après tout, pas que toi. Hein. Ouais, je croyais que c'était mon émission. Ah, ouais. Bon, 19h53, tu sais que là, on va pas tarder à accrocher les gants. Juste avant de te laisser la place pour la conclusion, quatre petites choses à dire. Déjà, le 19-11, donc, non, déjà demain, VNB Ball, Dérapade. Ouais, Dérapade, VNB Ball, voilà. Demain. Vous remettez le couvert avec les copains de Red Daff, ça c'est le 19 au Dropkick à 20h30, c'est une entrée libre. Et c'est au chapeau. C'est ça. Il faut absolument venir nous voir. Hein. Voilà. Absolument. Nous et les Red Daff. Voilà. Le 18, donc entre les deux, entre le 17 et le 19, le 18, les Caméléons seront à l'Octopub à Saran. Les Caméléons, voilà, d'un groupe de reprises de blues, de rock, c'est sympa. Voilà, à prendre avec une petite bière là-bas à l'Octopub, et puis ça passe très bien. Je crois que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Mmh. Et puis le 19-11, bah, en même temps que vous, les Rockers ont du cœur, ce serait le numéro 7. Il y a quatre groupes, enfin quatre artistes. Il y a Sika, Missing, Full System et Jesus Whiskey qu'on a eu l'honneur de voir et d'interviewer. Malheureusement, l'appareil n'avait pas marché, mais à interviewer au son des blés là cet automne. L'entrée est à 10 €. Pour 10 €, eh bien vous donnez un kit d'hygiène à un sans-abri. Voilà. Donc c'est une bonne œuvre. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. De Dropkick, des Rapas, des Red Daff, ou alors les Rockers ou du cœur, mais bon, plus peut-être les Dropkick. Ce qu'il faut faire, c'est aller déjà au Dropkick, et après au Rocker du cœur. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, on va se retrouver la semaine prochaine, ce sera un numéro normal, hein, pas d'instant complice. Et puis, bah, je vais laisser la parole à Serge, qui va conclure l'émission, tout simplement, avec le dernier mot, le mot de la fin, voilà. Allez. Bah, je crois que le mot de la fin, c'est au revoir, mais avant de se quitter, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne fin de semaine, et puis venez nous voir, nous on sera super heureux, vous venez nous voir, on boit une bière, on discute, et puis on parle de la vie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir un petit peu écouté, et puis on se retrouve prochainement, j'espère. Allez, au revoir, bonne soirée. Ainsi soit-il. Voilà. Ainsi soit-il. La nuit, je mens Cachemire en hommage au grand Alain. Oui, la nuit, je mens. Cette boîte crânienne, ces pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. Estrade en estrade, j'ai fait danser sans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. Parfait. Alors lève ton cul.